Laurence et Stéphane se sont infiltrés au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. En direct d'Osmose Radio, je suis avec Yann Manouk et sa ravissante épouse. Oui, mais c'est vrai, c'est sincère. Alors Yann Manouk, est-ce qu'on continue de vous présenter? Non. Je suis pour l'instant l'auteur de Polar Mongol, donc les trois Polar Mongol de la collection Yorl Elger. Mais je viens de me démarquer en sortant Mato Grosso qui se passe au Brésil, donc peut-être qu'il va falloir me représenter comme d'inspiration brésilienne. Alors donc avec vous on voyage beaucoup, ça, c'est vrai que la première fois on est parti en Mongolie, c'était quand même déjà un sujet original, personne n'avait jamais été explorer les terres de Mongolie, en tous les cas en prenant un thème, la littérature policière. Non, en polar, non. Il y a eu un polar il y a 20 ans, un petit polar qui s'appelait Des Myrtilles sous la yourte, si je me souviens bien. Mais il n'y a pas eu de thriller, en tout cas de trilogie avec comme décor la Mongolie. Non. Et Yeroul, il est héros récurrent? Dans la trilogie, lui, oui. C'est un homme qui cherche à régler les problèmes contemporains en respectant la tradition, qui n'y arrive pas dans le premier bouquin. Dans le deuxième bouquin, il est en colère d'être en colère parce qu'il se rend compte que sa colère ne sert à rien. Donc il perd un peu pied. Et dans le troisième bouquin, je lui ai offert une sorte de rédemption. C'est la première fois, monsieur Yann Manouk, que vous venez au Festival du Polar à Villeneuve? Non, c'est la seconde fois. Vous voyagez tout le temps, on vous voit partout dans le monde. Vous partez finalement, vous restez peu en France. Ça vous laisse du temps pour l'écriture quand même, hein, tous ces voyages? J'ai l'avantage de pouvoir écrire n'importe où. Donc, j'ai pas besoin de calme pour écrire, j'ai pas besoin de m'isoler, j'ai pas besoin d'une retraite. Je peux écrire dans les trains, dans les avions, dans les bars, peu importe. Donc, j'ai pas ce problème. Et après, vous vous reposez sur la terrasse avec les belles fleurs qu'on voit. Merci beaucoup. On vous retient pas plus longtemps parce que vous avez beaucoup de gens qui vont vouloir que vous leur dédicaciez des ouvrages. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit entretien. Et on espère à très, très bientôt. Merci. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.